Message numéro 10, la sanctification et la justification selon Luther, qui était très différent de celui de l'Église et que celui de la Bible. 1 Corinthiens 1-2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. Petit bout de verset là, que Luther ne devait pas aimer beaucoup. Alors, cette doctrine luthérienne qui dit que l'on est déjà tous saints et qu'il n'y a aucun effort de sanctification à faire, je n'y adhère plus, mais plus du tout, là. Ce n'est pas vrai que les chrétiens sont tous des saints. Ils portent tous le nom de saints, d'accord, mais ils ne sont pas tous saints. Pourquoi serions-nous appelés à être saints si emporter le nom suffisait au Seigneur? On se souvient que pour Luther, la justification et la sanctification ne sont que des noms. Ne sont que des couvertures dont Dieu nous a recouverts pour ne pas voir nos péchés. Nos péchés peuvent bel et bien encore exister, mais Dieu ne les voit plus comme par magie, à cause de l'œuvre du Christ. Ça ne fonctionne pas comme ça. Luther ne croit pas à une sanctification grandissante qui doit demeurer active jusqu'à la fin de la vie. Beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui avoir tout reçu ce qu'il y a à recevoir lorsqu'ils ont accepté le Seigneur comme sauveur et ne font plus ou peu de progrès dans la foi à cause de cette doctrine à tiédeur. La sainteté positionnelle que nous avons reçue en Christ n'est pas une finalité, mais un départ. Cette sainteté initiale ne nous a pas été donnée pour nous asseoir dessus paresseusement. Cette sainteté dans laquelle nous avons été incorporés en Christ ne doit pas cesser de nous porter à une sainteté toujours plus grande, sinon nous perdrons cette sanctification. Selon l'Écriture, que celui qui est saint se sanctifie encore. À propos de la justification maintenant, il y a deux sortes de justes. Les justes qui sont des hommes de bien, qui ne connaissent pas encore le Christ, mais qui mènent une bonne vie et ne s'adonnent à aucun péché grossier. Deuxièmement, il y a les justes qui le sont devenus par la foi en Christ et par la conversion de leurs péchés. Ce sont les vrais justes de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu une justice impartie par le Christ, par participation à la sienne, qui marchent réellement de justice en justice et de sainteté en sainteté. Les saints sont ceux qui croissent dans la justice et la sainteté et qui ne se contentent pas seulement d'emporter l'étiquette, mais qui la vivent en action et en vérité. Ceux-là sont les vrais fils de Dieu. Ceux-là sont les vrais sanctifiés et les vrais justifiés. Voici une très très belle définition de ce que c'est qu'un homme juste devant Dieu. Ézéchiel 18, 5 à 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui paie ses dettes, c'est-à-dire qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez-vous, c'est celui-là qui pratique la droiture et la justice qui est juste. Voilà ce qu'est un vrai juste. Et si votre foi au Christ ne vous a pas rendu juste comme ça, là, alors vous n'avez pas été justifié. Vous croyez seulement l'être, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Une nouvelle naissance qui ne porte pas des fruits de justice est une nouvelle naissance qui n'a pas eu lieu. Je suis désolé de contredire peut-être votre théologie, mais tous les chrétiens ne sont pas saints et ne sont pas des justes. Au contraire, à l'époque apostolique, oui, peut-être que la majorité était des saints, mais plus aujourd'hui où il ne reste que la coquille du vrai christianisme d'antan. Nous vivons à la période décrite par Paul où les hommes, c'est-à-dire les chrétiens, auront l'apparence ou les extérieurs de la piété, mais qui renieront ce qui leur fait la force. Et nous avons ici, mes amis, Paul qui prophétise la réforme. Les doctrines de la réforme ont réellement plongé le chrétien dans une paresse, une inactivité et une tiédeur inconnues jusqu'alors. Éphésiens 4, 1 à 3. Marchez d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Le verbe « marcher » est très important ici. « Marcher » fait référence à notre conduite réelle et non à une justification ou une sainteté imaginaire qui nous aurait été donnée. Éphésiens 5, 8, 9 va dans le même sens. « Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le verbe « marcher » ici encore ne laisse aucun doute. Une nouvelle créature, par définition, c'est quelqu'un qui ne vit plus comme avant. En toute humilité, une autre traduction a rendu « en une parfaite humilité » et « douceur », la traduction Connie Bear a rendu par « gentillesse ». Avec patience, le mot grec traduit par « patience » signifie plus exactement « souffrir longtemps avec acceptation ». Extrêmement patient, d'une patience à toute épreuve. Vous supportant les uns les autres avec charité, pas dans le sens de s'endurer, mais de s'apporter du support. Une autre traduction de ce verset a rendu « soutenez-vous charitablement les uns les autres ». La traduction Phillips a rendu « faisant preuve d'indulgence ». Dans l'église de Corinthe, il y en avait qui ne marchaient pas de manière digne de leur vocation. « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire », 1 Corinthiens 11. Paul leur a pas dit « c'est pas grave, vous êtes tous justes en Christ, vous êtes tous saints en Christ, alors dormez sur vos deux oreilles ». C'est ce que Luther enseignait. La justification biblique et catholique est la suivante. L'homme est juste quand la grâce vient dans son âme guérir la nature blessée et surélevée. L'homme devient ordonné à Dieu, c'est-à-dire dans l'ordre que Dieu l'a voulu, qu'il n'obéisse plus à la chair, mais à son esprit né de nouveau. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu, en donnant sa grâce dans l'âme, ordonne l'homme avec lui-même. Dieu est juste et la justification rendra l'homme juste. Ce qui s'accorde avec l'Écriture, Romains 5, 19, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes et non seulement appelés justes. C'est précisément ce que va nier Luther. Le protestantisme n'a voulu reconnaître en la grâce sanctifiante qu'une condescendance juridique de la part de Dieu, qui aurait recouvert notre misère comme d'un voile sans rien changer de notre état en dessous. L'école protestante contredit manifestement l'Écriture dont elle se réclame. À l'époque où il était encore moine, la grâce pour Luther ne signifie plus rien, car il se sentait toujours coupable, même après s'être confessé. Il se sentait toujours tenté. Pour lui, la grâce n'a pas de sens, car elle ne répond à aucun besoin dans la réalité. Luther, qui n'était pas né de nouveau, était incapable de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça qu'il disait que la grâce ne signifiait rien pour lui. Il ne savait pas ce que c'était que de vivre en état de grâce. Il dira dans son commentaire de l'Épître aux Romains, « La grâce n'est pas le travail de Dieu dans l'âme. La justification est une apparence de justice. » Ça contredit tout ce que les Épîtres enseignent, ça. Je répète, la grâce n'est pas le travail de Dieu dans l'âme. Faut le faire dire une bêtise pareille, là. La justification est une apparence de justice. Voilà ce qu'ils croyaient que la justification signifiait. Moi, je dis que si la grâce était inefficace dans sa vie, qu'il ne la sentait pas, qu'il ne l'expérimentait pas, c'est parce qu'il n'était pas né de nouveau. L'homme né de nouveau marche en nouveauté de vie, dit l'Écriture. Après avoir fait la liste des péchés qui donnent la mort, il dit en 1 Corinthiens 6, 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Jean 2, 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui » doit marcher aussi, comme lui-même a marché. Est-ce que la sainteté et la justice de Christ étaient apparentes ou réelles d'après ces versets? Elle était réelle. Alors les nôtres doivent l'être également. Remarquez les verbes « devoir marcher ». Le chrétien est tenu d'obéir aux exigences de la sainteté qui lui sont inspirées. Le chrétien est en dette envers la sanctification que Dieu nous a impartie. La sanctification est un commandement de nécessité impérative. Pourquoi? Parce que nous avons été équipés pour le faire. C'est une obligation et une responsabilité d'enfant de Dieu que de tendre de toutes nos forces à la sainteté de Christ dans nos vies. Mais pour Luther, la grâce n'est plus cette purification de l'âme, elle n'est qu'une apparence de purification. La grâce n'est qu'un vêtement, la grâce est un manteau qui vient couvrir les péchés, mais qui, en rien, ne fait disparaître les péchés dans la vie. La justification, pour lui, n'est plus quelque chose qui est à l'intérieur de l'âme, mais quelque chose qui est à l'extérieur d'elle, qui donne l'apparence de justice devant Dieu. L'homme est imputé juste, c'est-à-dire qu'il est dit juste, il n'est pas juste. Il est simplement reconnu comme juste. Le mot justification n'est pas une réalité pour lui, il signifie une apparence de réalité. Pendant ce temps, sa nature reste corrompue et essentiellement mauvaise. La grâce recouvre les péchés, mais sans les enlever. Ce qui est contraire à l'Écriture qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Également, Luther croit que l'homme reste en état de péché, peu importe qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas. Waouh! La nature humaine est pour lui comme un mur, en train de se désagréger et de craquer de partout. La justification biblique et catholique dit « Nous allons consolider cette faiblesse ». La justification de Luther dit « Nous allons mettre du papier peint par-dessus ». Comme une mère dirait à son enfant qui a le visage sale « Va te laver », alors que la justification de Luther dit « Reste sale, mais mets un masque propre ». C'est une grâce qui recouvre la misère humaine, mais qui ne fait rien pour la soulager. Dieu recouvre notre malice, mais ne la change pas. La grâce recouvre l'âme, mais ne la change pas de l'intérieur. À quoi sert un salut pareil, mes amis, je vous le demande? L'homme fait ce qu'il veut, liberté totale. La nature est livrée à elle-même, à ses propres forces, à ses propres faiblesses, plutôt, devrais-je dire. Il n'est pas étonnant que l'on ait fini par justifier l'homosexualité et ordonner même des homosexuels dans plusieurs dénominations protestantes, et même à célébrer des mariages homosexuels. La justification, selon Martin Luther, est très sombre, voire même pessimiste. Dieu recouvre l'âme, mais l'homme reste mauvais. Dieu recouvre notre malice, mais ne la change pas. La justification ne vient régler aucun problème, elle les cache. C'est comme si l'on mettrait un papier peint sur un mur sale. Le papier viendrait cacher la saleté, mais ne nettoierait rien. De sorte que l'œuvre de la grâce est seulement de nous recouvrir sans agir sur nous ou en nous. Alors voilà la justification selon Luther. Évidemment, le Concile de Trente va s'opposer à ça et va même jeter un anathème sur cette doctrine contraire aux Écritures. Également, l'orgueil de Martin Luther va se retrouver dans toutes ses doctrines. Il a rejeté tous ses maîtres, il a rejeté tous les docteurs de l'Église, il a rejeté l'autorité du pape, il a rejeté tous les écrits des pères de l'Église, il a rejeté tous les théologiens, il a rejeté toute la somme théologique de saint Thomas. C'est une révolte contre toute autorité religieuse. D'où tire-t-il sa doctrine? D'une interprétation personnelle de la Bible. L'apôtre Pierre a fait une prophétie que j'ai été longtemps sans comprendre, mais qui a pris tout son sens quand j'ai étudié la Réforme. Je crois que Pierre avait vu la Réforme lorsqu'il a écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, et marchant selon leur propre convoitise, ils diront depuis que les pères sont morts, les pères de l'Église, entre parenthèses, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Pierre prophétise une époque d'anarchie où chacun fera ce qui lui plaît et ce qui lui semble bon. Autrement dit, l'Église sera regardée comme un échec, on recommencera tout à zéro. C'est exactement ce que Luther a essayé de faire. Pierre parle de toute cette flopée de supposés réformateurs-là qui sont mis à renier tous les conciles de l'Église et enseigner qu'après les apôtres, l'Église avait fait fausse route, s'était perdue et qu'il fallait tout recommencer. Je crois également que Paul a prophétisé sur la Réforme lorsqu'il a écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, c'est-à-dire les chrétiens, seront égoïstes, amis de l'argent, bon sang qu'on en voit de ça aujourd'hui. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. On voit ça chez le protestantisme, beaucoup, beaucoup. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Comme on en voit de ça. des chrétiens ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, hein, qui se poignardent dans le dos les uns les autres. Toutes les églises sont affligées de ça. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, alors que la Bible nous dit d'être amis des gens de bien. Cette doctrine-là, d'être ennemis des gens de bien, nous vient du calviniste, qui dit qu'un non-croyant ne peut pas faire le bien, il ne peut faire que l'apparence du bien. Alors que même s'il fait le bien toute sa vie, il ira en enfer quand même. Nous avons la doctrine calviniste ici. Traître, emporté, enflé d'orgueil. On y voit beaucoup les prédications de Luther ici. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est exactement ce qu'a été la pensée luthérienne. Je résume la chose de la façon suivante. Je renie l'autorité de l'Église, je n'ai pas besoin de me soumettre à des lois morales, les œuvres ne servent à rien pour le salut, la charité ne sert à rien, il est inutile de se confesser, faisons ce que nous voulons, car nous sommes recouverts du manteau de la justice de Christ. Luther a renié tous les sacrements sauf deux. Le mariage n'est qu'un contrat entre deux êtres humains, et le Christ n'est plus dans les éléments. Que reste-t-il du christianisme, après Luther, qu'une coquille de christianisme? Les chrétiens aujourd'hui disent « on est tous des saints ». Oui, mais en recevez-vous tous le témoignage des gens qui vous entourent? Ou si votre pseudo-sainteté s'arrête après vos lèvres? L'Esprit-Saint dit, « Petits enfants, ne soyons pas saints avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. » Voilà le vrai christianisme et la nouvelle naissance. Frères et sœurs, tout l'échafaudage doctrinal luthérien n'est pas biblique. Sa théologie est tellement trouée, c'est une vraie passoire. J'ai été un grand protestant, moi, pendant plus de 30 ans. J'étais un militant très convaincu. Mais j'ai beaucoup étudié et prié et lu la Bible sur mes genoux. Et arrivé à un certain point, je ne pouvais plus être protestant. Les doctrines de Luther ne tiennent pas la route, sont convaincantes au début pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, mais il arrive un temps où notre connaissance du Seigneur augmente et toutes ces vieilles choses qui remontent à 500 ans maintenant ne tiennent plus debout devant une étude honnête de la parole de Dieu. Il faut que les chrétiens se lancent sur leurs genoux et recommencent à lire la Bible avec des yeux et un esprit neuf. Les doctrines luthériennes et calvinistes sont passées dans nos écoles bibliques. Ce qu'enseignent les écoles bibliques est passé à tous nos petits pasteurs. Et à partir des pasteurs, c'est passé jusqu'à nous. Et de nous, ça passe à ceux qui entendent ce qu'on leur enseigne. Frères et sœurs, il faut briser cette chaîne d'erreurs une fois pour toutes. Nous dissocier de la réforme. Rendez au christianisme ce qui faisait sa force originelle. N'ajoutez plus foi aux doctrines nouvelles et protestantes du XVIe siècle, mais demeurez avec les doctrines anciennes de la Bible et des premiers chrétiens. 1 Jean 2, 24 à 26. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Amen.